Oui, alors ça va être compliqué de vous avoir un rendez-vous, monsieur. Ah bon, pourquoi ? Le docteur P prend ses congés et le cabinet est fermé pendant les vacances. Ah, le cabinet ferme ? Oui. Mais je fais comment avec ma gastro ? Pardon ? Bon, eh bien, bonne fête quand même, hein. Il y a des moments où on aimerait bien voir un médecin rapidement. Livy, c'est un médecin en quelques minutes, accessible 7 jours sur 7, même pendant les vacances, quand votre médecin traitant est indisponible. Si vous partez en vacances pendant les fêtes, Livy vous accompagne. Téléchargez Livy sur App Store ou Google Play. Livy, un médecin en quelques minutes. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, plongé au cœur de la guerre froide pour revivre l'incroyable histoire de Marcus Wolf, figure de proue de la Staatssicherheit, les services secrets de l'Allemagne de l'Est rendus célèbres sous le nom de Stasi. Dans le monde du renseignement et tout au long de la guerre froide, Marcus Wolf est une légende, un caméléon capable de voyager des deux côtés du rideau de fer. Insaisissable et secret, il finit par semer la paranoïa chez tous ses adversaires. Pendant près de trois décennies, de 1958 à 1987, dans un Berlin nid d'espions, Marcus Wolf conçoit et dirige le système de renseignement le plus perfectionné au monde, serviteur zélé d'un régime lui-même paranoïaque, qui se voulait le maître étalon de la bureaucratie des pays de l'Est. Chef charismatique d'un réseau de plus de 4000 agents infiltrés, Wolf a une oreille dans tous les bureaux politiques d'Allemagne de l'Ouest, ce qui n'empêche pas de garder un œil sur les coulisses du pouvoir dans son propre pays, l'Allemagne de l'Est. Ne disait-on pas d'ailleurs à l'époque qu'il était l'homme le mieux informé d'Allemagne ? Pas les deux Allemagnes, l'Allemagne. À bien des niveaux, l'histoire de ce maître espion de la guerre froide dépasse l'imagination, au point qu'elle a inspiré le romancier John le Carré pour les traits de son personnage de Mount dans son célèbre roman « L'espion qui venait du froid ». Alors, entre fantasme et réalité, qui était Marcus Wolf ? Comment est-il devenu l'un des plus grands espions du siècle ? Quels furent ses principaux faits d'armes ? Et enfin, quel fut son rôle lors des événements de novembre 1989, lorsque le mur est tombé ? Après le récit, pour revenir avec nous sur cette affaire, notre invité est un homme passionné par l'histoire de l'Allemagne, c'est le journaliste Michel Meyer. Ancien correspondant de Radio France à Bonn, ancien directeur de l'information ici même à France Inter, il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur l'histoire de l'Allemagne, dont le dernier, intitulé « Les secrets de la chute du mur de Berlin », est paru en 2014 aux éditions Odile Jacob. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm. Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle. Bonjour, l'actualité aujourd'hui se résume en un seul titre. Le mur de Berlin, le mur de la honte, est tombé. Les Berlinois se sont passés d'autorisation. Abasourdis, ivres de joie, c'est par milliers qu'ils se sont précipités par la porte de Brandebourg de l'autre côté du mur, enjambant même celui-ci en certains endroits. C'est dingue, c'est le mot qui revenait le plus souvent dans la bouche des Allemands de l'Est qui attendaient leur tour pour passer. Désormais donc, les Allemands de l'Est peuvent circuler librement. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, il n'y a désormais plus de secret. La radio officielle est-allemande l'a confirmé encore toute la matinée. Le passage entre les deux secteurs de Berlin est donc tout à fait libre. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre. C'est la fin d'un monde coupé en deux entre l'Est et l'Ouest, jusqu'alors séparé par le rideau de fer. En Allemagne, l'épisode est à la fois symbolique et bien réel. Et la question qu'il pose est d'abord pragmatique. Si le mur n'est plus, les Allemands de RDA et de RFA peuvent-ils de nouveau vivre ensemble ? Mais les mécanismes de rapprochement sont complexes et les hésitations et les réticences sont grandes. L'hypothèse d'une seule et même Allemagne souveraine fait tout de même son chemin. Après de longs mois d'efforts et de concertations, le 31 août 1990, les parlements de RDA et de RFA prennent une première décision en ce sens. Ils approuvent le traité d'unification du pays. Puis, le 3 octobre, à quelques semaines du premier anniversaire de la chute du mur, la structure administrative de la RDA, vestige communiste d'un autre temps, disparaît. Sur les cartes du monde, il n'existe désormais qu'une seule Allemagne. Quant aux Allemands, qu'ils habitent à l'est ou à l'ouest du territoire, ils ont tous le même passeport, celui de la République fédérale d'Allemagne, aujourd'hui première puissance économique d'Europe, le bon élève de la classe. Nächste Station, Karlshorst. Übergang zum Regionalverkehr. À Berlin, capitale de cette Allemagne réunifiée, la population accueille la nouvelle avec un mélange de liesse et d'appréhension. Sur le plan économique, politique et culturel, tout doit être reconstruit. Mais le véritable enjeu de cette intégration de l'Est par l'Ouest se situe ailleurs. Tout se joue en réalité sur le plan humain. Comment, en effet, après un demi-siècle d'affrontements, les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest peuvent-ils de nouveau travailler main dans la main? Comment peuvent-ils se faire confiance? Troublante coïncidence, au même moment, dans la presse, les révélations se succèdent. Des ministres, des responsables de l'armée ou de l'administration sont rattrapés par leur passé. On découvre ainsi que certains d'entre eux appartenaient à la Stasi, la terrible police politique d'Allemagne de l'Est. En cette fin d'année 90, cette pieuvre n'existe plus, tout comme son incroyable système de surveillance. Seul vestige de ces années d'écoute et d'enquête, plusieurs tonnes de cartons d'archives entreposés à l'abri des regards. Des documents qui contiendraient, selon les spécialistes, un peu plus de 4 millions de fiches sur des citoyens est-allemands et un peu plus de 2 millions sur des habitants d'Allemagne de l'Ouest. À l'intérieur, on trouverait aussi le contact des informateurs du régime communiste à l'Ouest, ainsi que le résumé de certaines opérations clandestines. Dans cette Allemagne réunifiée en quête d'une seconde identité, l'existence de ces documents inquiète. Oui, on redoute des règlements de compte. Alors peut-être vaudrait-il mieux faire table rase du passé. Certains, au contraire, pensent qu'il faut assumer, juger pour l'exemple si l'on veut reconstruire une démocratie sur des fondements solides. C'est l'avis du chancelier Kohl. Sous son impulsion, les policiers allemands se lancent dans une véritable traque. Un voyage qui va les conduire à quelques dizaines de kilomètres au sud de la frontière. L'ancien chef des services secrets, des services de sécurité d'Allemagne de l'Est, la Stasi, a été arrêté hier soir en Autriche. Il s'était réfugié en Union soviétique après la chute du mur. Il était venu de Moscou fin août dernier à Vienne, puis avait disparu. Les autorités autrichiennes le recherchaient donc. Il a fait une demande d'asile politique. Il reste maintenant à savoir s'il sera extradé vers l'Allemagne, qui a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Au mois de septembre 1991, les enquêteurs retrouvent la trace d'un des personnages les plus recherchés de l'appareil d'État est-allemand. Et pour cause, c'est l'ancien chef des services de renseignement extérieur de la RDA. Un individu dont le nom hante toujours les salles d'interrogatoire et des coups de la Normannstrasse à Berlin. L'ancien quartier général de la Stasi, et cet homme, c'est Markus Wolf. Dans le déluge qui emporte les fondations de la RDA en 1989, de nombreux caciques du régime tentent de disparaître. Certains prennent la fuite vers l'Est et découvrent l'hiver moscovite. D'autres font le choix du soleil et des plages bulgares. C'est le cas de l'ancien général Markus Wolf. Quelques mois après la chute du mur, il quitte l'Allemagne grâce à l'aide du KGB. Mais avant de partir, fait rare, il accepte de parler à une équipe de télévision française. Dans l'extrait que vous allez entendre, il reconnaît ses responsabilités. Je pense ne rien avoir à me reprocher, mais j'assume quand même la responsabilité d'une politique de sécurité abusive. Chaque citoyen qui exprimait une opinion différente de celle du pouvoir subissait des représailles. Évidemment, je n'étais pas toujours d'accord avec cette politique, mais vu ma position, je suis obligé aujourd'hui de l'assumer. Qu'on ne s'y trompe pas, si les policiers allemands ont réussi à retrouver la trace de Markus Wolf en Autriche en ce début d'automne 1991, c'est que l'homme a accepté de se rendre. En utilisant sa véritable identité au passage du poste frontière avec la Hongrie, il savait qu'il serait immédiatement repéré. La rumeur prétend qu'il serait fatigué, lassé de cette cavale sans fin. Une chose est certaine, l'ancien maître espion de la Stasi sait que son avenir se jouera devant la justice allemande. Deux ans plus tard, mai 93, le grand procès de Marcus Wolf s'ouvre devant le tribunal spécial de Düsseldorf. Dans les kiosques à journaux, les titres sont évocateurs. L'Allemagne juge aujourd'hui le dernier de ses staliniens, affiche l'hebdomadaire Der Spiegel. Une phrase qui en dit long sur les attentes de l'opinion. Un an plus tôt, le pays avait déjà jugé l'ancien numéro 2 du régime est-allemand, le général Erich Milke. Vieilli et malade, l'ex-chef du ministère de la Sécurité d'État, la Stasi, également bras droit du dirigeant est-allemand Erich Honecker, s'était présenté en chaise roulante face à ses juges. Il n'avait répondu à aucune de leurs questions. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Düsseldorf est donc très attendu. Alors, les audiences apporteront-elles des réponses sur les pratiques des services de renseignement de la RDA sur le territoire de la RFA ? Les juges le souhaitent, la population l'espère. Présent sur place devant les grilles du tribunal, l'envoyé spécial de France Inter, Gérard Cher, explique l'étonnante image dont jouit ici encore Marcus Wolf, l'homme qui fut pendant 30 ans la bête noire de tous les services de renseignement d'Europe. Il a une image tout à fait positive et c'est bien un des seuls grands classiques de l'Allemagne de l'Est qui ait conservé son image parce que contrairement à l'image qu'on se fait d'un espion, Marcus Wolf est quelqu'un de très cultivé, de très ouvert, quelqu'un qui n'était pas, si vous voulez, un communiste borné comme il y en avait tellement de l'autre côté. Et il avait écrit un livre, par exemple, qui s'était très vendu, on le voyait beaucoup à la télé. C'est quelqu'un qui est finalement resté très populaire et quelqu'un qui est resté d'autant plus populaire qu'il n'a pas, si vous voulez, retourné sa veste sur le tard. Il a dit, il le dit encore, qu'il resterait communiste quoi qu'il arrive parce qu'il ne veut pas trahir et qu'il reste fidèle à cet idéal, même s'il reconnaît que toute cette expérience de construction d'un État communiste en Allemagne de l'Est a été un échec et ne pouvait pas durer parce que ça reposait sur des bases qui n'étaient pas solides et qui n'étaient pas fiables. Ce 11 mai 1993, chacun retient son souffle dans la salle d'audience du tribunal de Düsseldorf. Vers 11h, le procureur Joachim Lampe ordonne aux policiers de faire entrer l'accusé. Une porte s'ouvre, un silence envahit la salle. Deux hommes en uniforme entrent, puis un troisième individu de grande taille apparaît. Cheveux gris, cravate et costume bleu, à 70 ans, Marcus Wolf, l'ancien numéro 1 du renseignement est-allemand, n'a rien perdu de sa prestance. L'homme est même d'une élégance rare. Avant de s'asseoir, il salue les magistrats. Puis il balaye la salle du regard, une vieille habitude d'espion, commande tout bas un journaliste. Le procureur Joachim Lampe se lève. Il lit l'acte d'accusation. « Monsieur Wolf, dit-il d'un ton grave, vous êtes accusé de trahison pour avoir infiltré au moins une douzaine de vos agents dans l'appareil d'État et les services de sécurité ouest-allemand à Bonn. Qu'avez-vous à répondre ?» La salle se tourne alors vers l'accusé. Assis dans le box, les mains croisées sur son genou, Marcus Wolf passe la main sur son costume, se redresse et prend la parole. « Monsieur le procureur, permettez-moi de vous poser une autre question. Pouvez-vous me dire quel pays j'ai trahi ? Est-ce le mien ? La République démocratique d'Allemagne ? Pays reconnu par la communauté internationale et dont on sait qu'il existe plus depuis 1990 ? Monsieur le procureur, m'accuse-t-on d'avoir trahi la République fédérale d'Allemagne ? Pays qui avant 1990, dois-je peut-être vous le rappeler aussi, n'existait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Enfin, si on me juge, moi, pourquoi ne juge-t-on pas mon ancien homologue des services d'Allemagne de l'Ouest ? Voilà, en quelques phrases, Marcus Wolf abat ses cartes. S'il ne conteste pas les accusations sur le fond, il met toutefois en lumière toute la complexité de l'acte sur la forme. En effet, peut-on juger quelqu'un qui a agi pour le compte d'un pays qui n'existe plus ? La question fait débat dans l'opinion. Pour le procureur Lampe, l'argument ne tient pas. Il balaye la stratégie de Wolf. Monsieur Wolf, puisque vous réclamez tant d'explications, sachez que vous n'avez pas été convoqué aujourd'hui dans ce tribunal pour entendre vos connaissances sur le droit allemand. Non, vous êtes ici pour répondre aux questions de la cour. Car le procureur est convaincu que malgré son âge, Marcus Wolf reste un homme dangereux. Selon lui, l'ancien chef du renseignement de la Stasi serait toujours à la tête d'un réseau de plus de 500 agents clandestins. Des personnes dont il menace de révéler le passé qu'il peut ainsi faire chanter. Les heures passent et la tension dans la salle d'audience grandit. Dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Express, on peut lire un bon résumé de l'ambiance qui règne sur place. À chaque question que lui assène le procureur, Rolf répond au coup par coup. Malgré son âge, l'homme paraît infatigable. En l'espace de 3 minutes, il est capable de tenir face au juge, de jouer 5 rôles différents, de passer du registre de l'humour à celui de la menace, tant et si bien qu'à la fin, personne ne sait qui mène les débats et qui y répond, écrit le reporter français. Une chose est certaine, à la fin de cette première journée d'audience, chacun campe sur ses positions. Wolf refuse toute culpabilité concernant toute espèce d'affaire d'espionnage en Allemagne de l'Ouest. Mais le procureur refuse les manœuvres, les oublis, les amalgames de l'accusé. De leur côté, les journalistes du quotidien Le Monde s'interrogent. Enfin, pourquoi le procureur semble-t-il convaincu que Marcus Wolf détient encore les secrets des opérations de renseignement clandestines réalisées en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest ? Et surtout, pourquoi affirme-t-il que Wolf fut du temps de la guerre froide l'homme le mieux informé de toute l'Allemagne ? Eh bien, pour le comprendre, il est nécessaire de se plonger dans le parcours hors norme de Marcus Wolf. Tout commence au tournant des années 30, à une période où l'Allemagne vit les heures les plus sombres de son histoire. Es spricht der Führer! Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen. Mars 1933, les nazis et leur chef Adolf Hitler prennent le pouvoir à Berlin. En l'espace de quelques semaines, la République de Weimar devient Troisième Reich. Un nouveau modèle s'impose, celui de la race et celui de la haine. Dans cette Allemagne en pleine mutation, devenue empire du mal, Marcus Wolf a 10 ans. Son père est communiste, sa famille est juive. Comme des dizaines de milliers de personnes, il doit fuir. Après une année d'errance sur les routes d'Europe, la famille Wolf arrive à Moscou. La vie est dure. Marcus change de prénom. Ici, en Union soviétique, il s'appellera Misha Wolf. L'adolescent apprend le russe et intègre la prestigieuse école du Comintern où l'on forme les cadres du Parti communiste. Et c'est ici, à l'ombre d'un regard, que le jeune Marcus Misha Wolf apprend le métier d'espion. Oui, pendant 5 ans, il suit un programme politique et technique de haut niveau. On le forme à l'infiltration, on lui explique comment déjouer une filature ou encore falsifier les papiers d'identité. On lui fait manier les armes et les explosifs, on lui apprend à mentir et détecter le mensonge. L'arsenal du parfait agent clandestin. Au mois de juillet 1945, à la fin de la guerre, sous couvert de l'uniforme de l'armée rouge et du passeport soviétique, Marcus Misha Wolf, 22 ans, rentre en Allemagne. Officiellement, il est journaliste pour une radio de Berlin. Il couvre notamment le procès des criminels nazis de Nuremberg. Certains disent qu'il est déjà un informateur au service de Moscou. En octobre 1949, Marcus Wolf est aux premières loges lorsque l'Allemagne se divise. À l'Est, on importe le premier état des ouvriers et des paysans sur le sol allemand. La République démocratique allemande, la RDA. Wolf, qui a toujours les faveurs de Moscou, est promu diplomate de ce nouveau pays satellite de l'URSS. Enquête permanente de légitimité, la RDA tente d'imposer son modèle à la population, celui de l'idéal socialiste et de son parti unique, le SED. Pour atteindre cette ambition, le premier secrétaire du Parti communiste est-allemand, Walter Ulbricht, crée une police politique, le ministère de la Sécurité d'État, celui qu'on appellera bientôt la Stasi. Grâce à elle, le régime est-allemand tend à éviter toute perversion, donc toute contestation, et prévenir tous les troubles. Mais très vite, la situation bascule dans une hystérie sécuritaire. Les citoyens de l'Allemagne de l'Est sont fichés, traqués, écoutés. Tout le monde surveille tout le monde. Et parmi ceux-là, il y a Marcus Wolf, l'homme sur lequel comptent les hommes du régime pour éviter que leur fragile château de cartes ne s'effondre. En 1953, Wolf incorpore la Stasi. Mais contrairement à celle de ses collègues, sa mission ne consiste pas à écouter ses propres concitoyens, non. Lui a une tâche encore plus sensible. Ce qu'on lui demande, en effet, c'est d'espionner l'Ouest. Pour y parvenir, dans le plus grand secret, Wolf construit un système à sa mesure. Son nom, le HVA, pour Hauptwehrfaltung, Aufklärung. Comprenez en français, direction principale du renseignement extérieur. Il en devient le chef, charismatique. Et très vite, cet appareil se transforme en une redoutable machine d'écoute, comme le confirme Marianne Bittler, directrice des archives de la Stasi à Berlin. À partir donc du début des années 50, et il est présent dès le départ. Donc c'est lui qui a créé tout cela. Dans un premier temps, c'est un service qui s'occupe des informations en matière économique, donc c'est-à-dire contre-espionnage économique. Et puis, il va être donc à la tête de ce service qui, finalement, est créé pour déstabiliser, enfin soyons clairs, la société ouest-allemande. Sur le papier, la tâche de Marcus Wolf paraît immense. L'homme ne part de rien, mais il doit réussir à rivaliser avec le puissant BND, le service de renseignement de la RFA. Un service qui, précisons-le, possède des moyens financiers, techniques et humains presque 10 fois supérieurs aux siens. Mais c'est sans compter sur le génie du chef du HVA, car Marcus Wolf a déjà un sérieux atout dans sa manche, ou plutôt plusieurs, les Roméo, qui s'apprêtent à souffler un vent de panique sur toute l'Allemagne de l'Ouest. Inter, actualité. Au micro, Jean Piazza. Parlons donc de Berlin, puisque Berlin domine et de loin toute l'actualité de ce dimanche 13 août. Depuis le milieu de la nuit dernière, les téléscripteurs et les téléphones n'ont pas cessé de cliqueter, de sonner. Ils nous ont apporté les derniers développements de la situation dans l'ancienne capitale allemande. Je suppose que vous savez tous déjà ce qui s'est passé, mais je le rappelle en bref à tout hasard. Au milieu de la nuit, ce que l'on craignait depuis quelques jours s'est produit. Sur ordre des autorités du gouvernement de Pankow, des autorités communistes donc, la frontière entre les deux parties de la ville de Berlin, l'orientale et l'occidentale, a été soigneusement verrouillée. Piquets, barbelés, chevaux de frise, stations de métro fermées, etc., etc. Bref, plus moyen pour un Allemand, quel qu'il soit, de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Au mois d'août 1961, les soldats est-allemands posent les premières briques du mur de Berlin. Au même moment, à 500 km de là, la ville de Bonn est le théâtre d'une psychose collective. En l'espace de quelques mois, en effet, la capitale de l'Allemagne de l'Ouest, si sûre et paisible, voire ennuyeuse, devient la cité du microfilm, un véritable nid d'espions. Il se murmure même que les coffres des ministères ne suffiraient plus à empêcher les agents de l'Est de se procurer les documents les plus confidentiels. Ainsi les années passent, et avec méthode et rigueur, les agents Roméo de Marcus Wolf pillent chacune des ressources industrielles, technologiques, militaires et politiques disponibles en Allemagne de l'Ouest. Au début des années 70, le phénomène atteint des proportions endémiques. On raconte que Marcus Wolf aurait obtenu une copie des plans de la nouvelle salle de bain du chancelier ouest-allemand Willy Brandt, avant même que celui-ci ne le découvre. Que de bons tuyaux. Si l'anecdote prête à sourire, elle en dit long sur l'ampleur et la précision de l'espionnage que réalisent les services de Wolf. Présent à Bonn, le journaliste Bernard Volker confirme. Si l'on en croit la presse allemande, je me trouve en ce moment devant le château de la Belle au Bois Dormant. Cet immeuble abrite en effet les services du contre-espionnage, réputés pour leur inefficacité. La plupart des espions démasqués en RFA le sont en effet à la suite de révélations de responsables de services secrets communistes qui ont choisi de passer à l'Ouest. Cela dit, le contre-espionnage ouest-allemand a la tâche très difficile. La RFA est en effet la terre d'élection des espions communistes. D'abord parce que rien ne ressemble autant à un Allemand de l'Ouest qu'un Allemand de l'Est. Les agents communistes n'ont donc aucun mal à s'assimiler à la société ouest-allemande, puis, une fois intégrés, à s'infiltrer dans l'appareil de l'État, dans l'armée, dans l'économie, toujours au poste de responsabilité. On dit d'ailleurs que les espions communistes sont tellement actifs dans ce pays qu'il n'y aura bientôt plus rien à espionner. Dans son bureau, le chef du BND s'insurge. Mais enfin, pourquoi personne ne sait comment les Roméo agissent? En réalité, subterfuge est vieux comme le monde. Sur ordre de Marcus Wolf, plusieurs dizaines d'entre eux se font passer pour des réfugiés et franchissent la frontière vers l'ouest. Une fois sur place, en RFA, ils séduisent des jeunes femmes, d'où leur nom, les Roméo. La plupart du temps, il s'agit de secrétaires. Celles-ci travaillent dans les ministères ou au sein même de l'OTAN. À leurs risques et périls, elles vont se laisser convaincre de photocopier les documents secrets et de les transmettre à leur amant. À Berlin-Est, Marcus Wolf obtient ainsi chaque semaine des cartons d'archives remplis de précieuses notes, photos, informations sur l'Ostpolitik, les plans des fusées de défense antiaérienne, les discours des responsables politiques de l'Ouest ou encore leur compte rendu de réunion, un trésor. En l'espace de quelques années, le chef du HVA, Marcus Wolf, devient le tout-puissant maître des services secrets d'Allemagne. Un homme craint et respecté, dont personne ne connaît à ce moment-là la véritable identité, ni même le visage. Or, c'est bien cet homme qui s'apprête à troubler sérieusement la vie politique ouest-allemande. À Bonn, après 5 ans de mandat, Willy Brandt quitte le pouvoir. Le chancelier fédéral a décidé d'assumer la responsabilité du scandale Guillaume. Le Bundestag devra maintenant choisir un nouveau chancelier. Mai 1974, à Bonn, l'Allemagne de l'Ouest vit une crise politique sans précédent. Le chancelier allemand Willy Brandt est contraint de démissionner, victime d'une affaire rocambolesque, victime en vérité de l'un de ses conseillers personnels à la chancellerie. Il se trouve que la police a piégé l'individu alors que celui-ci tentait de copier des documents ultra confidentiels. Lors des interrogatoires, cet homme, un dénommé Günther Guillaume, avoue aux policiers être un officier de l'armée populaire nationale de RDA, autrement dit, un agent de l'Est. Partout en Allemagne, l'affaire fait grand bruit, et à Bonn, elle est vécue comme un terrible camouflet. À Berlin-Est, on exploite bien sûr le scandale jusqu'à la corde. Cet homme, Günther Guillaume, est un pion dans le système de renseignement mis en place par Marcus Wolf. Il a été recruté 20 ans plus tôt par les services de l'Est en échange du silence sur son passé nazi. L'homme est passé à l'Ouest. Pendant 12 ans, il était un travailleur modèle et serviable. L'agent Julio, comme on l'appelle à Berlin-Est, gravit les échelons du camp social-démocrate ouest-allemand. En 1972, il devient le conseiller personnel et ami intime du couple Brandt. Le verre est dans le fruit. Et comme le souligne l'un des hommes qui l'ont arrêté, Günther Nolo, au micro de Michel Meyer, Guillaume avait bien accès à des informations exceptionnelles. Quand il a accompagné le chancelier en Norvège, en vacances pour 4 semaines, il avait accès aux secrets politiques. Et c'est très grave. Oui, naturellement, vous voyez ici, s'il a lu une lettre du président des États-Unis, c'est très intéressant pour l'autre côté, mais plus grand est certainement le dommage qu'il a pu faire en donnant des informations sur l'atmosphère auprès du chancelier Brandt ou les discussions du monsieur Brandt avec ses collègues et tout ça. Sur les ondes de la radio est allemande, le premier secrétaire du SED, Reichenecker, triomphe et fait l'éloge de ce héros du peuple. Dans son bureau, Marcus Wolf jubile. Il a peut-être perdu un précieux agent aujourd'hui, mais il a réussi à installer la peur et la paranoïa partout en Allemagne de l'Ouest. Günther Guillaume, lui, va en prison. 7 ans de détention avant d'être échangé en 1981 contre 30 espions ouest-allemands. Au début des années 80, auréolé de succès, Marcus Wolf est un homme craint, c'est même un mythe dans le métier, y compris pour ses adversaires. Parmi les services de renseignement occidentaux, on ne possède de lui qu'une photo prise par hasard à Stockholm. Mais malgré toute la rigueur et la pugnacité qu'il a mise dans son système, le vent du renseignement tourne. Oui, de nombreux agents le trahissent et passent à l'ouest, révélant ainsi leur réseau et le pseudo sous lequel ils agissent. Au cœur même de la Stasi, Wolf est de plus en plus contesté. Erich Milke, son chef, le soupçonne de transmettre le double de tous ses rapports à Moscou, et pire, d'enquêter sur lui et même sur Erich Honecker, pour le compte, encore une fois, des soviétiques. En ces temps de guerre impossible et de paix improbable, comme le disait si lucidement Raymond Aron, la tension monte parmi les responsables du régime est-allemand. Et l'arrivée de Mikhail Gorbatchev à la tête de l'URSS en 1985 n'arrange rien, évidemment. Dans le plus grand secret, les soviétiques veulent se débarrasser d'Honecker pour le remplacer par un tandem modéré avec à leur tête Hans Modrow. Et en soutien, Marcus Wolf, ou comment passer de la Stasi à l'apostasie. L'opération porte le nom de code Lutsch. Fomentée en sous-main par le KGB, elle se solde par un échec. Mais l'automne 1989 précipite la chute du régime de Berlin-Est. Wolf devient alors conseiller pour le nouveau régime avant de prendre la fuite. Rattrapé par la police en 1991 en Autriche, comme on l'a vu, en fait il s'est rendu, l'homme refuse d'avouer les pressions toutefois, complots et intrigues qui furent son terrain de jeu pendant près de 30 ans. À l'issue de son grand procès en 1993, il est condamné pour haute trahison. Mais coup de théâtre, 3 ans plus tard, la justice allemande revient sur sa décision. À 72 ans, Marcus Wolf, figure de légende des services secrets est-allemands, n'ira pas en prison. Il y a 4 ans, au premier jour de son spectaculaire procès, celui qui inspira John le Carré avait violemment dénoncé l'absurdité d'une justice qui veut poursuivre les espions de l'Est sans inquiéter ceux de l'Ouest. 2 poids, 2 mesures pour des hommes qui accomplissaient le même travail. La Cour constitutionnelle a tranché, les magistrats ont souligné que les agents de la RDA s'étaient retrouvés sans le vouloir après la réunification citoyens de la RFA, un État qu'ils espionnaient légalement aux yeux de leur ancienne patrie. Conséquence, toutes les poursuites engagées contre Marcus Wolf, condamné pour haute trahison, et contre plusieurs centaines d'officiers de ses services sont annulées. L'Allemagne n'en a pas fini pour autant avec les procès d'espionnage. Il n'est pas question, ont précisé les magistrats de Karlsruhe, d'absoudre les Allemands de l'Ouest qui avaient espionné leur propre pays pour le compte de la RDA. Bonne, Odile Pouget pour France Inter. Désormais libre de ses déplacements, Marcus Wolf apparaît régulièrement à la télévision ou dans des documentaires. Il écrit des livres de cuisine. Parmi ceux qui ont la chance de le rencontrer et de recueillir ses dernières confidences, il y a le journaliste Maurice Najman, spécialiste de l'histoire des pays satellites avec Moscou. Il en écrira un livre intitulé « L'œil de Berlin », dans lequel, pour la première fois, le maître espion de la guerre froide révèle certains de ses plus grands secrets. Les histoires d'un homme tapis dans l'ombre pendant près de 40 ans et qui, jusqu'à sa mort en 2006, conservera toujours une certaine distance face aux journalistes. John le Carré a dit « Les grands espions ne meurent jamais ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout homme doit bien mourir un jour. Sans laisser de traces ? Chacun laisse des traces, d'une manière ou d'une autre. Et s'il a quelque chose à raconter, ou même à écrire, il laissera une trace encore plus marquante. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision? Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Marcus Wolf est donc, forcément, elle a pour cadre l'histoire d'une Europe coupée en deux, l'histoire de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est notre invité Michel Meyer qui va nous en parler. Bonjour Michel Meyer, tout le monde vous connaît, vous avez été correspondant de la radio et de la télé 2, service public en Allemagne. Vous connaissez ce pays mieux que votre poche, j'imagine. Alors dites-moi, j'ai un trophée là dans les mains, enfin c'est vous qui l'avez apporté. C'est un livre, ça s'appelle Die Troïka, il est écrit par Monsieur Marcus Wolf lui-même. Sa campagne électorale, ouais. Avant la chute du mur. C'est ça, c'est 1989, daté. En mars 89. 15 mars, le 15 mars. Et qu'est-ce qu'il vous met comme dédicace ? Je ne parle pas allemand, j'aime bien le prononcer, c'est une jolie langue, mais je ne parle pas. Il n'a mis que sa signature avec la date, ouais. En disant « keine Widmung », comme on dit en allemand. Pas ça de veut quoi. Dire « pas de dédicace », parce que je ne veux pas vous compromettre. On dirait le tableau de Magritte, ceci est une pipe. C'est pas une dédicace, voilà. Alors, je sais pas si l'homme avait de l'humour. Je remarque qu'il est mort un 9 novembre à Berlin. Et le mur est tombé un 9 novembre. Il est mort le 9 novembre 2006. Oui, bon. dans un contexte très étrange. La veille de sa mort, ou la veille de la nuit de sa mort, c'est-à-dire entre la nuit entre le 8 et le 9 novembre, Il avait été voir avec sa femme Andrea, que j'ai bien connue aussi, je l'ai vue par la suite assez souvent, il avait été voir un film tiré du roman de Susskind. Vous vous souvenez, ce roman qui avait eu un succès mondial. Le parfum, non ? Le parfum, ouais. Livre horrible, hein, parce que ceux qui avaient le mauvais parfum, ils y passaient, quoi. Ouais. Hein, c'est paradoxal. Et sa femme lui avait dit, avant qu'il ne s'endorme et qu'il ne plonge dans son dernier sommeil, qui allait être celui de sa mort, sa femme lui avait dit, et ça avait dû lui faire plaisir, vraisemblablement, « J'ai toujours aimé ton odeur ». Sa femme m'a raconté cette dernière anecdote. Il est mort dans son lit, avec une belle parole, avant de s'endormir. Alors, vous l'avez rencontré deux fois, me semble-t-il, c'est ça ? Je l'ai rencontré en lien avec un livre que j'avais écrit en 87 sur les échanges de prisonniers politiques entre les deux Allemagnes, et notamment les achats de prisonniers politiques est-allemands par les Allemands de l'Ouest dans un contexte, bien entendu, humanitaire. Ça se passait à la tête du client. Hein, un universitaire coûtait plus cher qu'un palefrenier. Et bien entendu, Marcus Wolf était également dans le haut patronage de tout cela. Et ces transactions se passaient dans le contexte du mur, bien entendu, grâce à deux avocats, Stange, celui de l'Ouest, et Vogel, celui de l'Est. Et un jour, Stange, que je connaissais bien, et que j'avais approché pour faire ce travail, et il me dit, mon collègue de l'Ouest, il a quelqu'un à te présenter. Donc, s'il te plaît, la semaine prochaine, etc. Alors, j'ai traversé le mur avec les Vopos qui vont chercher avec des glaces si il se passe quelque chose. Les Vopos, hein, voilà. Les gardes frontières est-allemands. Ouais. Et j'ai été reçu à déjeuner, ça n'a pas duré longtemps, et mon impression, ça a été d'avoir affaire à un fauve en permanence aux aguets. Son objectif, c'était quoi ? À l'époque, j'étais un peu le Salinger de service français à la télé allemande. Hein. Mm-hmm. Bon, on fait ça, quoi. C'est le boulot, quoi. Et il me disait, c'est pas mal, ça m'intéresse. Vous êtes assez violent par rapport... On était des guerriers froids contre d'autres guerriers froids, un peu médiatiquement. Hein. C'était un peu ça. Et il me dit, mais voilà, en fait, il voulait me retourner. C'était l'objectif. Bien entendu. Et comment il s'y prend ? Comment il s'y prend pour retourner quelqu'un ? Comment on s'y prend ? J'ai compris, au niveau des arguments. J'ai compris sans cesse un non-dit omniprésent et tonitruant. Okay. Hein ? Donc c'est pas exprimé. Et c'est Stang qui m'a dit, alors, après, quelle conclusion vous en tirez, etc. etc. Et j'ai compris que Stang, lui, c'était de l'autre côté. Et bien entendu que si j'avais fait le couillon, j'étais cuit des deux côtés. Quoi. Vous seriez absous maintenant que le mur est tombé. Mais ça, c'était bonne. Et c'était la fameuse petite ville en Allemagne de John le Carré. Ouais, le nid d'espion. Voilà, le correspondant des Isvestia, c'était un général du KGB. Hein, il s'appelait Portugalov, il est mort, le pauvre. Mais c'est lui qui, au moment de la chute du mur de Berlin, a trouvé le moyen de trouver une formule de confédération en allant voir le conseiller diplomatique de Kohl pour lui parler de tout ça. Et j'avais des personnages historiques tout autour de moi. C'était un drôle de climat, quoi. Hein, c'est un drôle de climat. Alors, Marcus Wolf, le bonhomme, respire évidemment une certaine intelligence, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la deuxième fois, c'était ce qui m'a offert le bouquin. Voilà. Une vraie élégance au-delà de ce qu'il a essayé de faire avec vous, le bonhomme, quoi. Quelle image vous gardez du bonhomme ? Alors, aux aguets, on l'a dit, mais au-delà de ça. C'est à partir du moment où il articule son être intérieur, si je puis dire, c'est un vrai lettré, une grande culture, car il a un frère qui a été responsable des questions culturelles en Allemagne de l'Est, donc il était également en connexion avec un milieu très élitaire en Allemagne de l'Est. C'est pour ça que lorsqu'il a fait la bêtise de se présenter 5 jours avant la chute du mur dans une manifestation populaire hostile au régime en disant « je suis avec vous » et qu'il s'est fait siffler, il a rien compris parce qu'il se croyait dans le monde culturel est-allemand. Et pourquoi avait-il cette culture ? Parce que son père était un écrivain. Son père était médecin. C'était un juif allemand du Bade-Wurtemberg qui a fui, bien entendu, en Union soviétique avec lui. Mais il a été éduqué de manière très lettrée dans un premier temps avec ses frères, grâce à son père. Et au-delà, c'est placé une deuxième couche qui a été l'éducation que vous avez évoquée tout à l'heure. Comme interniste, il est ingénieur en aéronautique et il a subi, intégré la formation que je viens de dire. Et celle-là est idéologique. Idéologique, mais comme des grands prêtres, comme des fanatiques. Quand on arrive de l'extérieur, dans un monde que l'on admire et qui est le salut par rapport à l'antifascisme que l'on porte, car on vient d'un monde qui est celui des nazis, et bien entendu, on est un grand prêtre qui est pas loin d'un paradis. Donc, l'éducation, le dressage comme interniste, il est indélébile et identifiable chaque fois qu'on le trouve quelque part. Ça explique tout, quoi, en gros. Part. Absolument. Ça explique à la fois le bonhomme et l'œuvre. L'œuvre et une certaine supériorité, une certaine arrogance. Pourquoi ? Parce que formé en partant, il faut bien le dire, du mépris qu'avaient ces migrants de l'extérieur, généralement des intellectuels, généralement des gens martyrisés par ailleurs, ils avaient une espèce de petit mépris pour les soviétiques et les russes. Le bordel russe, le bordel soviétique faisait qu'ils se sentaient un peu les seigneurs. Et c'est dans ce contexte-là, et avec ce dressage-là, qu'il est arrivé dans l'après-guerre, en Allemagne, dans cette espèce de cage aux folles de l'espionnage qui était Berlin. Oui. Berlin, c'était ça. Il y avait les Américains, il y avait les Russes, il y avait les Français, il y avait les Anglais qui étaient dans le même moule, en quelque sorte. Et là, il est journaliste de radio. Il a été confrère, ce monsieur. Hein, journaliste de radio. Il a suivi le procès de Nuremberg. Absolument. Vous imaginez les couches d'influence successives qui en ont fait en par la suite, celui que l'on a choisi pour fonder les services spéciaux est-allemands, avec le succès que l'on sait. Dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, de danger permanent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est patron des services spéciaux est-allemands, au sommet, il a un type à côté de lui qui s'appelle Milk, général Milk, qui est son patron. Et Milk, c'est le salopard de la Stasi qui oppresse les Allemands de l'Est. Donc, ils sont ennemis à partir du premier jour. Alors, donc, il vit dangereusement, y compris en Allemagne de l'Est. D'accord. Donc, aux aguets, sans arrêt. Et justement, puisque quand on parle de ce monsieur, on parle de l'Allemagne de l'Est, je voudrais qu'on précise la particularité de l'Allemagne de l'Est dans le bloc de l'Est. Moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'Allemand, il se devait d'être les meilleurs dans ce système-là. Est-ce que c'est ça qui en a fait cette bureaucratie de fou, quoi. Ils étaient... par rapport aux Slaves, ceux qui venaient du pays de Marx, hein, bah oui. C'est pas n'importe quoi. Et dans le même temps, ces Allemands qui étaient devenus les sujets des Soviétiques d'une certaine manière, ils ne pouvaient pas s'empêcher de rester efficaces et de véhiculer par rapport à la science russe, qui n'était pas nulle, hein, les maths russes, les physiciens, tout ça, c'était pas nul. Il y avait une certaine arrogance allemande dans un contexte de cette nature à cette époque. Et cela correspondait d'ailleurs à ce que les Slaves pensaient a priori et qui se traduit par un proverbe russe que vous connaissez peut-être et qui consiste à dire en Russie, ce sont les Allemands qui ont inventé le singe. Autrement dit, les Allemands sont futés, sont intelligents. C'est pas les lourdeaux qu'on croit. Bon, alors, ces méthodes, elles sont quand même assez impressionnantes. Les méthodes de Marcus Wolff et Yann notamment. L'ethno-anthropologie, ça joue un rôle. Bien sûr. Et j'en arrive, parce qu'il faut aller un petit peu vite, malheureusement. On y va. À Marcus Wolff et à ses méthodes, notamment les Roméo. Alors, on a raconté, on s'est pas tellement étendu là-dessus, mais c'est quand même assez fascinant, ça. Ça se limite à une trentaine de cas, avec 7 à 12 réussites. Mais exemplaires. Presque au sommet, avec, bien entendu, à l'époque, on ne disait pas ça, mais aujourd'hui, on dirait, il avait le chic pour choisir les bonnes cougars. Avec suffisamment de frustration et d'attrait pour être sensible au monsieur qui l'envoyait. Lui-même, d'ailleurs, s'il a instrumentalisé le sexe à ce degré, c'est parce que sur le domaine, il n'était pas forcément manchot. C'était un grand dragueur et il avait des problèmes avec Milk, hein, je le renomme, presque tous les ans. De rivalité de femme, non? Non, non. Milk était au-delà du bon et du mauvais en la matière. Mais tous les ans, il y avait une affaire. Et l'une des affaires a été, par exemple, celle qu'il a eue avec sa propre femme, pour laquelle il a divorcé, et qui était la sœur d'une espionne de l'Ouest. Bon, vous voyez... Tout y est pour le film. Il en a réchappé. Oui. Lors d'un dialogue avec Honecker, il a pu s'en sortir, etc. Parce qu'il était très bon, mais c'est l'un des seuls qui s'est sorti d'un mauvais pas de cette nature. Hein. Alors, son grand fait d'armes aussi, c'est Günther Guillaume. Ça, c'est incroyable. Alors, il faut quand même rappeler aux auditeurs qui ne savaient pas, beaucoup le savent à mon avis, mais on peut y revenir, sur le fait qu'il y avait là quand même un infiltré auprès de Willy Brandt, qui était quand même le numéro un allemand, le chancelier allemand. C'est une sorte de fou, mais il y en avait partout. Oui, là... Comme le disait Volcker, là, Volcker tout à l'heure, il a dit strictement ce qui se passait en Allemagne. Il n'était pas outillé pour ça. Et d'ailleurs, les Américains qui surveillaient tout cela, s'en moquaient un peu parce qu'ils ils étaient déjà dans leur trip de l'espionnage électronique et ils se moquaient un peu du facteur humain. Et donc, c'était pas aussi important que ça. Mais c'est vrai que il y avait ce Guillaume qui n'était pas un personnage éminemment brillant. Hein. Mmh. Il savait peut-être enregistrer correctement, mais l'analyse et l'interprétation, c'était pas aussi terrible que ça. C'était une forme de chef de cabinet. C'était pas un directeur de cabinet à la française. C'était un chef de cabinet, logistique, etc. Et bien entendu, il n'y avait rien qui se disait sur l'Ostpolitik sans que Moscou, Berlin-Est, à l'écoute. Mais avec un effet complètement paradoxal. C'est que à l'Est, on a considéré, dans une forme d'endormissement paradoxal, que ce qui se passait à l'Ouest, au niveau des négociations entre Allemands et entre Américains sur le comment faire pour améliorer les relations entre les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest, c'était ça l'Ostpolitik, hein, de Willy Brandt. C'était humanitaire, quelque part. Eh bien, lorsqu'on évoquait ces questions, on était relativement honnête, on était relativement préoccupé par la vraie cause, et dans ce contexte-là, on se disait, mais il n'y a rien à dire, et il y a eu une confiance paradoxale et profonde des Allemands de l'Est et des Soviétiques par rapport à ce que faisaient, etc. Donc, il n'y a pas eu de paranoïa. Et dans ce contexte-là, les résultats en ce qui concerne l'amélioration des transits entre les deux Allemagnes a été deux fois plus élevé que ce que l'on espérait à l'Ouest. Ce qui, avec l'effet que ça a eu de contamination par rapport au capitalisme, par rapport à la consommation, etc., à l'Est, a été un facteur qui a précipité la déstabilisation de l'Allemagne de l'Est. Mmh. Donc, vous voyez, pour un mal à l'Ouest, ouais, ça a été un bien, finalement, dans un contexte où, effectivement, Marcus Wolff l'a ressenti et il a mis le holà assez vite. Et ça permet de parler aussi de ce chancelier Willy Brandt qui a laissé une image forte. Il n'est pas resté longtemps au pouvoir, mais il a resté une image forte. Alors pour son Ostpolitik, sa politique d'ouverture, on dirait aujourd'hui, c'est ça qui a laissé une trace. C'est, où il y avait la personnalité aussi. Il y avait la personnalité d'ancien résistant. Il y avait bien entendu le charisme du personnage et il y avait le courage par rapport aux alliés de l'Allemagne de l'époque, et qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et les Français, de dire je veux. C'est pour ça qu'il a eu des problèmes avec Pompidou. Pompidou, s'il a cherché les Anglais, c'était pour compenser Brandt. Vous voyez, c'était tendu diplomatiquement. Donc ce type, par rapport aux Allemands, il a eu le courage d'imposer cela en disant, en se rapprochant, on modifiera la chimie des relations entre les deux Allemagnes. Et il a réussi son coup, d'une certaine manière. Et paradoxalement, lorsqu'on parle des performances allemandes, de l'économie, etc., il était au bout de son processus. Il avait réussi son affaire et il était au pouvoir pour ne plus rien faire, Brandt. Il n'avait plus de programme. Donc, à la limite, là encore, Guillaume a rendu service à l'Allemagne puisqu'il a permis à Schmitt d'arriver au pouvoir avec la dextérité économique de Schmitt, la rencontre avec Giscard et le fait qu'en France, parce qu'il était trop performant, on l'a appelé le Feldwebel, vous voyez. Ouais. Donc paradoxalement, ça a été un bien pour l'Allemagne en termes économiques. La diplomatie, parce c'est en économie, du billard à plusieurs bandes. Hein. Brandt s'en moquait royalement, bon. Ça ne le concernait pas. Michel Meyer, une toute dernière chose, il ne nous reste pas beaucoup de temps, une minute. Est-ce que Marcus Wolff est une sorte d'illustration, presque de métaphore de la chute du mur et surtout de ces dirigeants est-allemands qui se font déborder par les événements, finalement qui ne comprennent pas ce qui se passe. Enfin, c'est un malentendu, la chute du mur au départ. Et Marcus Wolff, sa fin de carrière, c'est aussi un malentendu. La chute du mur de Berlin, c'est trois faits. Parce qu'on a 30 secondes, allez-y. Alors, il y a le baiser de la mort de Gorbatchev à Egon Krenz, le type qui s'interpose et qui double ceux qui étaient prévus pour prendre le pouvoir au titre de Gorbatchev. Non. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a l'énorme bourde médiatique du porte-parole Chabowski, le fameux Chabowski, qui fait la bêtise de sa vie. Bien entendu, il y a un journaliste italien qui prépare la dépêche, parce que c'est lui qui pose la question. Et bien entendu, son rédacteur à Rome, il ne passe pas. Et c'est au moment où Associated Press, qui sanctifie tout news dans le monde, diffuse la nouvelle à 19h10 que la catastrophe a lieu et que les Vopo et l'armée populaire est-allemande laissent passer et n'osent pas tirer. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Michel Meyer. C'est fini. Eh ben voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.